Bonjour, je m'appelle Barzo et je suis perdu. J'ai pris ma correspondance à Châtelet pour aller porte de Pantin et je me retrouve à Subarbre. Comment cela se fait-il là? Bonjour, je suis le robot. Bonjour, je suis le robot. Monsieur le robot, pouvez-vous m'indiquer pour aller porte de la Vivenda? Où suis-je ici? J'ai perdu ma femme et mes gosses à Châtelet. J'ai été téléporté en voyage intra. Je voudrais aller à Pont-de-Pantin. Monsieur le robot, s'il vous plaît. Pont-de-Pantin. Sur support, il faut que je téléphone à ma femme et mon enfant pour obtenir que je ne rentre pas ce soir. Non, il y a encore le téléphone? Non, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez donné.